Psaume 103. Psaume de David. Mon âme, bénis l'Éternel, et que tout ce qui est au-dedans de moi, bénisse le nom de sa sainteté. Mon âme, bénis l'Éternel, et n'oublie pas un de ses bienfaits. C'est lui qui te pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes infirmités, qui garantit ta vie de la fosse, qui te couronne de gratuité et de compassion, qui rassasit ta bouche de bien, ta jeunesse est renouvelée comme celle de l'aigle. L'Éternel fait justice et droit à tous ceux à qui ils ont fait tort. Il a fait connaître ses voies à Moïse, et ses exploits aux enfants d'Israël. L'Éternel est pitoyable, miséricordieux, tardif à colère, et abondant en grâce. Il ne dispute point éternellement, et il ne garde point à toujours sa colère. Il ne nous a point fait selon nos péchés, et ne nous a point rendu selon nos iniquités. Car autant que les cieux sont élevés par-dessus la terre, autant sa gratuité est grande sur ceux qui le craignent. Il a éloigné de nous nos forfaits, autant que l'Orient est éloigné de l'Occident. De telle compassion qu'un père est ému envers ses enfants, de telle compassion l'Éternel est ému envers ceux qui le craignent. Car il sait bien de quoi nous sommes faits, se souvenant que nous ne sommes que poudre. Les jours de l'homme mortel sont comme le foin, il fleurit comme la fleur d'un champ. Car le vent étant passé par-dessus, elle n'est plus, et son lieu ne la reconnaît plus. Mais la gratuité de l'Éternel est de tout temps, et elle sera toujours sur ceux qui le craignent, et sa justice sur les enfants de leurs enfants, à ceux qui gardent son alliance, et qui se souviennent de ses commandements pour les faire. L'Éternel a établi son trône dans les cieux, et son règne a domination sur tout. Bénissez l'Éternel, vous ses anges puissants en vertu, qui faites son commandement, en obéissant à la voix de sa parole. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées, qui êtes ses ministres, faisant son bon plaisir. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres, par tous les lieux de sa domination. Mon âme, bénis l'Éternel.